Écoutez, on va commencer tranquillement. Bienvenue donc à cette quatrième séance du séminaire. Nous sommes vraiment très très heureux d'accueillir aujourd'hui Sophie Houdard pour cette séance. Sophie Houdard est anthropologue au LESC et chercheur au CNRS. Et elle a coordonné un ouvrage avec Olivier Thierry, « Humain, non-humain, comment repeupler les sciences sociales ?» dont il va être question aujourd'hui. C'est la première fois, comme elle le soulignait, qu'elle a l'occasion de vraiment présenter en détail cet ouvrage. Et cet ouvrage est très très important pour le programme de ce séminaire, tout simplement parce qu'une bonne partie des problématiques de ce séminaire est complètement pris en charge dans cet ouvrage, qui est en fait un véritable manuel sur les conséquences qu'a eu dans les sciences sociales la prise en charge des êtres non humains, des êtres dits non humains. Donc c'est au sujet de cette petite révolution que va porter la séance d'aujourd'hui. Donc Sophie Houdard a organisé au LESC pendant plusieurs années un séminaire sur les petits êtres qui concernait la question de l'échelle en anthropologie. Et enfin, elle est l'auteur de, entre autres ouvrages, de La Cour des Miracles, ethnologie d'un laboratoire japonais. Aujourd'hui, Camille sera son répondant. Camille, donc, avec qui nous organisons, avec Daphné et moi-même, ce séminaire. Et bon, Camille est doctorant contractuel au département de philosophie de Nanterre, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Donc, comme d'habitude, je pense qu'on va consacrer 45 minutes à l'intervention proprement dite, puis une trentaine de minutes à la discussion avec le répondant, et puis une trentaine de minutes de discussion avec la salle. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que la présence de Sophie Houdard est très importante par rapport aux enjeux du séminaire? Pour ceux qui étaient là à la première séance, donc qui était dans cette grande salle un peu impressionnante du bâtiment de la présidence, on avait posé trois buts finalement de ce séminaire. Le premier, c'était tout simplement de faire un espèce d'état des lieux, une cartographie des théories anthropologiques contemporaines pour parvenir à en mesurer les intérêts philosophiques. Le deuxième, c'était dégager la portée ontologique de ces théories, de ces analyses anthropologiques, et se demander comment ces acquis de l'ethnologie peuvent nous amener à repenser la question de l'être, la question traditionnelle de cette sous-section de la philosophie qui est la métaphysique, donc la question de l'être et de l'existence. Donc deuxième objectif, deuxième enjeu ontologique. Et enfin, un troisième enjeu, qui était de voir comment les pratiques concrètes, telles qu'elles sont documentées ethnographiquement par les sciences sociales, comment ces pratiques concrètes façonnent la subjectivité, c'est-à-dire la façon dont un certain nombre d'engagements pratiques nous mettent en relation avec une certaine réalité, comment en fait, dans tout faire, il y a un faire être qui concerne à la fois le quasi, ce qu'on peut appeler un quasi-sujet et un quasi-objet. Donc voilà, c'était le troisième projet de ce séminaire. Et de ce point de vue, c'est vrai que l'ouvrage dont il va être question aujourd'hui est vraiment crucial parce que il propose, donc c'est de cet ouvrage dont il s'agit, il propose en fait une véritable cartographie. Quand on parcourt la table des matières, on se rend compte de la variété des travaux ethnographiques et de la variété des objets dont il est question. Donc, la présence de Sophie Houdard ce soir va nous permettre de revenir de manière beaucoup plus approfondie sur le premier axe de notre séminaire. On avait en effet souligné au cours de la séance d'introduction que l'anthropologie connaît aujourd'hui tout simplement un déplacement de la focale analytique. On se met à analyser pour comprendre l'humain, le non-humain. Donc c'est tout simplement de ça dont il va être beaucoup question. Pour comprendre l'humain, il faut regarder ses commerces, ses rapports avec le non-humain. Et on ne peut plus se permettre de garder la même focale analytique. Et ce qui implique, donc ce déplacement de focale implique de prendre en compte quoi ? Implique de prendre en compte dans le travail de terrain et dans l'analyse, la façon dont les individus humains entrent en relation avec des individus des individus non humains très très divers. Et donc encore une fois, quand on prend la table des matières de cet ouvrage, il est question du taser, du scarabée, de l'eau minérale, de la grippe aviaire, pour Frédéric Keck, qui interviendra aussi, qui est un des contributeurs de cet ouvrage, et qui interviendra début janvier dans notre séminaire. Donc ce sont ces méthodes, ces enjeux et ces résultats théoriques occasionnés par ce changement de focale analytique que nous allons pouvoir appréhender aujourd'hui de façon plus approfondie avec cette séance. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Sophie Houdard pour nous présenter son ouvrage. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation et puis pour cette introduction. J'ai envoyé trop tardivement un autre titre, je propose un autre titre pour la séance, qui aurait été en fait humain, non humain, quasi humain, je rajoutais une petite catégorie, de la multitude dans les humanités, donc l'un ou l'autre, c'était simplement c'est pour parler de la même chose, mais d'une autre façon, en rajoutant une catégorie dont je vais un peu parler aujourd'hui, celle des quasi humains ou du quasi vivant. Je vais commencer, j'ai organisé un peu mon exposé en plusieurs temps, en l'ayant préparé avec Camille la semaine dernière. Je vais commencer d'abord par un petit peu quelques informations sur l'histoire de ce livre, l'histoire du projet de ce livre. Contextualiser un peu ce qui a les objectifs qui ont présidé à sa constitution, à son écriture, au regroupement des auteurs, etc. Je vais ensuite essayer de dresser un petit peu. C'est compliqué et c'est une histoire qui est extensive en fait. Dresser un peu la généalogie de ce qu'on appelle les non-humains, avant de voir ensuite la manière dont on peut les appréhender à la fois dans un premier temps comme ce que fait l'entrée par les non-humains aux catégories avec lesquelles on a l'habitude de travailler dans les sciences humaines et sociales, notamment en sociologie, puisque le livre est constitué autour des grandes catégories de la sociologie. Et puis, dans un deuxième temps, plutôt ce que ça a ouvert comme chantier, en fait. Pas seulement les êtres auxquels la sociologie ou l'anthropologie sont accoutumés, mais aussi l'introduction de nouveaux êtres, de nouvelles entités dans les champs de la sociologie ou de l'anthropologie. Alors, en ce qui concerne l'histoire du livre, en fait, donc c'est un projet d'édition qui a été lancé par l'éditeur lui-même, à savoir La Découverte, après que, pendant plusieurs années, La Découverte, par l'intermédiaire de quelqu'un qui s'occupait de cette collection à l'époque, qui s'appelait Hugues Jalon, après que pendant plusieurs années, Hugues Jalon ait reçu, par l'intermédiaire de Bruno Latour, qui est très, très généreux dans son mode de diffusion, de contact, etc., ait reçu des propositions d'anciens doctorants, des gens qui avaient travaillé avec lui, des propositions de monographie, donc... qu'on adressait, donc moi entre autres, à La Découverte dans l'espoir de les voir publier. Et en fait, La Découverte n'arrivait pas à publier des monographies telles quelles, donc souvent des travaux issus de la thèse, parce que très basiquement, La Découverte était aussi tenue voulait vendre ses livres, hein, tout simplement, et que la monographie convenait mal pour eux à ce qu'ils attendaient en termes de vente. Et donc, voyant passer ces différents manuscrits, l'éditeur avait en tête de rendre compte d'un mouvement général qui s'esquissait dans ces monographies, et donc il voulait dresser une tribune, si vous voulez, pour permettre aux différents auteurs de faire le lien, faire connaître leurs travaux d'une part, et faire le lien entre les différentes études, de manière, encore une fois, à esquisser un mouvement qui était en train de s'élaborer ou qui prenait forme. Voilà, donc, Olivier Thierry a été sollicité en premier. Il était sociologue, il a fait une thèse aussi... Au Centre de Sociologie de l'Innovation. Et Olivier Thierry s'est adressé à moi, donc lui sociologue, parce qu'il y avait la volonté dès le début d'associer les anthropologues à cette entreprise, puisque le mouvement général qui s'esquissait était lisible aussi bien en sociologie qu'en anthropologie. Et donc on a travaillé à deux, à essayer de constituer une liste d'auteurs pris dans les deux disciplines que sont la sociologie et l'anthropologie, qui abordent les choses un petit peu différemment. Et qui c'était tous, qui avaient tous en commun de s'être à un moment donné ou à un autre, d'avoir saisi leur objet d'étude par l'entrée des non-humains. Donc on aboutit à une, je crois qu'il y a une trentaine d'auteurs, et on avait d'abord sur la structure du livre, en fait, il nous paraissait inutile, si vous voulez, d'aller au-delà d'une organisation un peu spontanée, naïve, qui est celle que finalement on a adoptée, qui reprend donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les grandes catégories facilement reconnaissables pour asseoir un peu notre propos, que sont la nature, la politique, l'économie, la science, l'art et la religion, ce qu'on peut appeler la religion. Voilà, donc on avait les grands champs qui étaient déjà en place et qu'on a simplement rempli en espérant que les études de cas qui étaient proposées permettraient de relire à nouveau frais, si vous voulez, ces grandes catégories-là, justement. Donc, qu'est-ce que l'entrée par les non-humains fait à la nature, fait à la politique, fait à l'économie, fait à la science, à l'art, à la religion, etc. On est parti très rapidement aussi en question en raison du nombre de contributeurs qu'on avait sollicités sur l'idée de textes très courts et qu'on a voulu profondément empirique. Donc il y avait une charte, si vous voulez, qu'on a donné aux auteurs, avec l'idée de ne pas leur demander de théorie. On ne voulait pas que chaque texte fasse une théorie de comment prendre à nouveau frais la religion, l'économie, etc. On voulait que les matériaux de terrain puissent, d'une certaine façon, parler d'eux-mêmes et adresser en eux-mêmes, dans les matériaux mêmes qu'ils traitaient, le taser, les scarabées, etc., etc., adresser en eux-mêmes ou réadresser la grande question de l'économie, etc. Donc c'était un mouvement bottom up plutôt que je sais plus comment on dit up down. Voilà. Donc on avait des consignes d'écriture extrêmement claires, qui fait que effectivement parmi les critiques qui ont été publiées à la suite du livre, il y avait l'idée que ça faisait un peu tourner la tête. Hein, on met de manière contiguë, on rencontre de manière contiguë, mais c'est cette contiguïté qui nous intéressait, d'entités extrêmement variées, pour lesquelles on ne fait, dans lesquelles, parmi lesquelles on ne fait pas d'hierarchie, puisqu'il peut être autant question de Dieu avec un grand D, mais aussi donc de scarabée, d'une œuvre d'art, d'une statue, d'un frigidaire dans un laboratoire, de l'eau, voilà, enfin j'ai plus tous les exemples en tête, mais donc il y a une très très grande diversité. Et le principe de base était qu'on n'introduit pas, a priori, de hiérarchie entre l'ensemble de ces êtres-là. Alors, ce que fait globalement le livre, c'est de rendre manifeste, si vous voulez, l'extension des problématiques qui avaient été au cœur des science studies. Donc, au départ, c'est quand même dans ce champ-là que ça se construit. L'extension de ce qui était la problématique de départ des science studies, de ce qui avait permis de construire la science studies, à d'autres domaines, comme celui de l'art, de la religion, qui historiquement vient après. Voilà en ce qui concerne un petit peu, si vous voulez, l'histoire du livre. Maintenant, en ce qui concerne la généalogie, non pas pas du livre lui-même, mais de la terminologie non-humain, et notamment de la terminologie humain-non-humain. Vous avez entendu Bruno Latour ici, je ne sais pas s'il a parlé de non-humain, finalement cette appellation-là est un peu sortie de son vocabulaire à lui, mais je pense que tout le monde est bien conscient ici que c'est à lui qu'on doit finalement une formulation systématique du terme non-humain. Sans que je sois vraiment capable d'en dresser une généalogie stricte, cette notion de non-humain était en fait héritée de l'anthropologie elle-même, de l'anthropologie assez classique, et arrive, c'est une notion qui arrive par l'anthropologie et que Latour va utiliser dans le domaine scientifique. Et c'est après, finalement, qu'on peut lire, c'est rétrospectivement, si vous voulez, qu'on peut lire dans cette terminologie non-humain, dans ce terme de non-humain, un triple héritage, celui des science studies, et notamment du principe de symétrie. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions en cours de route, en fait, parce que je ne sais pas du tout. Enfin, je vais revenir là-dessus. Donc ça, c'est le premier héritage. Le deuxième héritage, c'est celui de la sociologie pragmatique, et notamment telle qu'elle a pu être élaborée par des gens comme Luc Boltanski. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais juste pour en dire deux mots, le projet de la sociologie pragmatique tel qu'il a été porté par Luc Boltanski, entre autres, consistait à tous ces mouvements-là, si vous voulez, naissent s'élaborent aussi, se posent en vis-à-vis de ceux qui les ont précédés. Et donc, évidemment, les science studies se posent en vis-à-vis de l'épistémologie, de la manière dont les épistémologues avaient conçu, avaient imaginé de rendre compte assez faiblement, finalement, des pratiques scientifiques en travaillant plutôt sur des métacatégories comme la rationalité, la vérité, l'objectivité, etc. Donc, les science studies s'élaborent en vis-à-vis de ça. La sociologie pragmatique de Luc Boltanski et de ses collègues s'élabore en vis-à-vis de la sociologie bourdieusienne, qui était très socio-centrée. Et la principale critique adressée par Boltanski et ses collègues à la sociologie bourdieusienne était l'incapacité de la sociologie bourdieusienne à s'extirper des relations, et notamment, de la notion de classe sociale, par exemple, prenant comme les classes sociales comme facteur permettant d'expliquer le monde social, alors que pour Boltanski, c'était précisément les classes sociales elles-mêmes et comment elles jouaient dans l'univers social qui était à expliquer. Donc il y avait un revirement, si vous voulez, paradigmatique assez fort dans les propositions de Boltanski, qui invitait à considérer ce que font les institutions. Donc déjà, on est dans une perspective où quelque chose, comme des institutions, font faire des choses à d'autres, ce qui n'était pas visible dans la sociologie bourdieusienne. Et le troisième héritage, la troisième chose qui aide à la constitution de la notion de non-humain, c'est l'anthropologie de la nature, telle qu'elle a été développée, entre autres, donc en anthropologie, par des gens comme Philippe Descola, qui, la chaire créée au tout début des années 2000, je crois que c'est 2000 ou 2001, je ne me rappelle plus, de anthropologie de la nature, et qu'occupe Philippe Descola, manifeste assez explicitement le revirement en anthropologie qui fait considérer comme partie prenante du projet anthropologique, comme pertinent, si vous voulez, le fait qu'on puisse s'intéresser à la nature elle-même, que la nature elle-même soit l'objet du regard anthropologique, en dehors des relations sociales qui et de représentation, je vais y revenir, qui contribuent à lui faire une place dans la société. Donc, bien que très inspiré des thèses de Bruno Latour, une grande partie des gens qui sont des contributeurs de cet ouvrage étaient, je vous l'ai dit, des gens qui avaient travaillé de près ou de loin avec ou en collaboration avec le Centre de sociologie de l'innovation qu'a dirigé Bruno Latour pendant très longtemps. Et donc les thèses de Bruno Latour, évidemment, influencent une grande partie des auteurs, mais il faut voir aussi dans cette notion de non-humain et dans les écrits des auteurs l'influence de Boltanski et de Descola. Je cite les trois grands noms, et il y a évidemment une myriade de gens derrière eux, ils n'ont pas fait ça tout seuls. Inspiré des thèses de Bruno Latour, le projet humain non humain, en fait, entrait aussi dans la question de l'être ou de l'ontologie d'une autre façon, me semble-t-il. Latour se pose des questions philosophiques au début de son parcours, ce qui l'amène à fonder de manière systématique, à systématiser cette notion de non humain. Au début de son parcours, Latour se pose des questions philosophiques et va chercher à y répondre par des méthodes ethnographiques. Dans un entretien qu'il donne en 2006, il explique comment son intérêt d'abord et avant tout, formé à la philosophie, était de travailler sur la raison occidentale. Et il écrit « Mon problème était le suivant. M'intéressant à une question de philosophie, j'ai tout de suite compris que la philosophie ne pouvait pas la traiter, puisqu'elle se posait une question, mais sans la méthode pouvant la résoudre. La philosophie avait fait un travail d'idéalisation, mais il fallait équiper la philosophie d'une méthode empirique, puisque finalement, ces questions se prêtaient à l'enquête. » Donc, Latour a fait son agrégation de philosophie avec François Dagonet, et en fait, c'est sa première expérience de terrain dans un laboratoire de biologie aux États-Unis, qui l'amène à considérer la part jouée par les non-humains dans ce qu'il observe. Et il découvre, entre autres, écrit-il, que la trilogie rite, mythe, symbole, qu'avec cette trilogie rite, mythe, symbole, on ne va pas très loin dans un laboratoire. Donc là, on part d'une question philosophique, la raison, qu'est-ce que c'est que la raison, comment la décrire, comment l'appréhender, comment s'en saisir, etc. Il s'équipe de méthodes ethnographiques, et là, par un retour, c'est le terrain lui-même qui lui fait sentir qu'il va avoir besoin d'autre chose, que les rites, les mythes et les symboles se confrontent difficilement, ne passent pas l'épreuve, si vous voulez, de ce qu'il est en train d'observer dans le laboratoire. Donc c'est le laboratoire lui-même, si vous voulez, en tant qu'espace où il se passe des choses très spécifiques, qui mettent à l'épreuve ces concepts-là. Et donc Latour va faire des sciences, je le cite encore, la première véritable épreuve où la fragilité constitutive des catégories fondamentales de l'explication anthropologique se manifeste avec le moins d'ambiguïté. Donc tout à coup, l'anthropologie elle-même, les catégories dont se servait l'anthropologie pour appréhender un univers social dont on est étranger, ce qui était le cas pour Latour faisant son ethnographie dans un laboratoire, ces catégories-là nécessitaient d'être repensées. Voilà, d'où l'idée de rééquilibrer en fait la description au profit, en faisant une place significative aux entités qui jusque-là n'avaient été abordées que par l'entremise des rites, des mythes, des symboles, pour le dire vite, que par l'entremise des représentations. Donc là, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de cette histoire-là que vous devez connaître. C'est le grand bouleversement que Latour est loin d'être le seul à initier en anthropologie. Une grande partie des anthropologues s'accordent assez vite sur l'idée que le grand partage entre nous et les autres, entre ceux qui savent et ceux qui croient, n'a plus de valeur heuristique, et qu'on n'arrive pas à appréhender les situations dont on est témoin, ou qu'on est vite arrêté dans la description des situations dont on est témoin, si on reste dans le paradigme du grand partage. Donc si on fait sauter le grand partage, tout à coup, il y a tout un échafaudage qui tombe avec et qui nécessite d'être reconstruit suivant d'autres, en misant sur d'autres équilibres. Alors la catégorie non humain, en fait, je suis absolument désolée, j'ai cherché partout, je suis sûre de l'avoir lu quelque part. Je sais que Bruno Latour lui-même a écrit qu'il était un petit peu désolé d'avoir tellement systématisé cette notion. Et qui se rend bien compte que d'une certaine maladresse, si vous voulez, notamment à essayer de sortir du grand partage et à proposer un rééquilibrage basé sur quelque chose qui est encore peut apparaître comme une dichotomie et qui est accentuée encore par le fait qu'on a un humain d'un côté et un non-humain, donc quelque chose qui n'est défini que par sa non-humanité de l'autre. Et puis l'autre limite de ce concept-là que donc explicite Latour, peut-être que c'est dans son dernier livre sur les modes d'existence, j'ai pas réussi à retrouver, c'est évidemment, et ça c'est une critique qui a été souvent adressée et aussi adressée dans ce livre-là, c'est l'aspect fourre-tout de la catégorie, c'est-à-dire que dans les non-humains rentrent à la fois les animaux, les dieux, les objets techniques les plus divers, bref, tout ce qui n'est pas humain. Et donc, on sent bien à le dire un peu les limites de la catégorie. En même temps, j'insiste sur le fait que c'est précisément la possibilité qu'elle ouvre en même temps de pouvoir décrire de manière contiguë des choses, des entités aussi diverses que des animaux, des dieux ou des objets, qui permet précisément de repenser ce que c'est qu'un objet technique, ce que c'est qu'un dieu ou ce que c'est qu'un animal. Voilà. Puisqu'on a des effets de croisement couvrent cette catégorie-là qui permet tout à coup de comparer, comme peut l'avoir fait Albert Piette de manière assez radicale et de manière assez... je trouve plus le mot. De manière assez radicale, un dieu et un chien, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est parce qu'on a cette catégorie de non-humain que tout à coup, on peut ouvrir la possibilité de comparer un dieu et un chien. Voilà, donc, partant on sort du grand partage, on sort des distinctions entre eux et nous, et on élabore un nouvel échafaudage où tout à coup, les animaux, les machines, les instruments, les installations artistiques, les virus, les robots, etc., se retrouvent tous au premier plan et sans hiérarchie. On s'éloigne des représentations mentales, des symboles comme seul horizon explicatif des différences culturelles. Ça, pour l'anthropologie, c'est quelque chose de fondamental. À partir du moment où on n'a plus recours à la croyance pour rendre compte des faits religieux, il va rester à inventer, évidemment, d'autres méthodes de description et un nouveau langage pour rendre les situations, pour rendre compte des situations dont les ethnologues, sont témoins. Et donc, prendre dans la trame analytique, dans la trame descriptive, et sans qu'il soit facile de toujours les démêler, c'est ça qui est intéressant, les non-humains autant que les humains, les animaux autant que les éleveurs, les médicaments ou les dispositifs de soins autant que les médecins, la Vierge autant que les croyants, et attribuer à chacun suffisamment de facultés d'agir pour faire situation, en fait, c'est une des perspectives qui, à mon sens, est ouverte dans le champ général de l'anthropologie, à partir du moment où elle entre dans ces matériaux par les non-humains. Alors, pour la plupart des contributeurs à ce volume, on entrait dans une question un petit peu différente puisque, voilà, il s'est passé du temps entre la première étude que fait Latour dans son laboratoire et la formulation des premiers concepts, etc., au retour du terrain. Il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des ethnographies dans des laboratoires scientifiques. Et donc, nous, on hérite de tout ça, mais on vient quand même 20 ans plus tard. Et finalement, c'est moins des questions philosophiques qui nous motivent. Je ne veux pas parler au nom de tous les auteurs, mais je les connais un peu pour savoir que c'est quand même vraiment le terrain lui-même qui appelle les questions, en l'occurrence, et non pas la philosophie. Donc là, chaque En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on a cette catégorie de non-humain et l'idée qu'on ne fait plus de partage, etc., et qu'on peut regarder sur les situations aussi bien les humains que les non-humains, qu'on sort de la sociologie aussi à la Bourdieu, la sociologie des relations sociales, etc., l'ethnographe, sociologue, l'anthropologue, va voir de nouvelles choses, va être attentif à de nouveaux objets, à de nouvelles problématiques, et va laisser le champ aux acteurs pour les dire, en fait, sans invoquer ni l'ordre des représentations, ni l'ordre des croyances. Donc on pourrait définir de manière générale cette approche par les non-humains comme aussi une ontologie pragmatique. C'est vraiment des questions de pragmatique. Et j'y reviendrai par la suite, aussi parce que finalement, par l'ethnographie, les terrains eux-mêmes nous obligent d'une certaine façon à prendre en compte les non-humains. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est ce que je vais défendre après, si on n'entre pas par les non-humains sur un certain nombre de terrains, simplement, il y a une partie de la réalité telle qu'elle est constituée par les gens avec lesquels, auxquels on s'intéresse, auxquels tout simplement on ne se donne pas accès. Donc c'est un peu dommage, si vous voulez. Voilà. Donc une forme d'ontologie pragmatique, si vous voulez. Alors, non humain, bon, je vous ai dit, la tour de lui-même remet en question un petit peu, dit les limites de ce vocable, et alors du coup les auteurs tournent un peu autour du pot, on parle de non-humain, des fois on parle d'entité, des fois on parle d'être, des fois on parle de choses, etc. Le vocabulaire manque un peu, ou alors simplement il faut le laisser proliférer pour s'adapter à chacune des situations, et c'est simplement dans le rééquilibrage, dans la symétrie, que la démarche va être effective, visible, si vous voulez. Alors, la première chose que fait l'entrée par les non-humains, c'est... me semble-t-il, le retravail des catégories elles-mêmes, des catégories, des métacatégories, en fait, qui ont permis de décrire le social ou la culture, en ce qui concerne l'anthropologie, dans le champ de la sociologie ou de l'anthropologie, je ne vais pas dire classique, parce qu'elle n'est pas plus classique qu'une autre, mais une sociologie ou une anthropologie qui ne prendrait pas en compte les non-humains, comme peut le faire cette espèce d'ontologie pragmatique dont on essaye de cerner les contours ici. Donc l'enjeu, évidemment, du livre, c'était de montrer, de rendre manifeste, encore une fois, par les ethnographies elles-mêmes, de ce que l'entrée par les non-humains permettait de dire en plus, ou permettait de dire différemment. Donc pour certaines des catégories, dans ce premier temps-là, il s'agissait aussi de non-humains qui, évidemment, existaient déjà, peuplent déjà notre monde social depuis très longtemps, mais... pour lesquels on n'arrivait pas vraiment à saisir, ou qu'on n'arrivait pas à leur assigner une place stricte dans la description, dans l'analyse. Une des premières choses, en fait, c'est que, et donc ça tombe aussi évidemment avec le grand partage, c'est le fait, et d'un point de vue encore une fois très empirique, le fait que les catégories d'objets ou de choses, mais surtout d'objets, sont finalement assez pauvres pour dire ce qu'on observe. C'est-à-dire que la spécificité des situations dans lesquelles ethnographiquement on se trouve vient buter sur cette terminologie-là dès lors qu'on décrit les situations où on prend simplement des humains qui ne seraient pas en interaction avec autre chose où une relation ne serait pas en train de se construire, mais bon voilà, c'est très pauvre à partir du moment où on décrit les choses en termes d'un humain qui construit quelque chose, qui fabrique quelque chose, qui fait faire quelque chose à quelque chose, etc. Donc c'est la catégorie d'objet elle-même, si vous voulez, et notamment la distinction, enfin l'opposition entre le sujet de l'action et l'objet qui ne serait que le réceptacle mou, neutre, totalement neutre de l'action. Ces catégories-là de sujets, d'objets, sont finalement assez peu efficaces pour rendre compte de ce qu'on voit et décrire la richesse des relations auxquelles on est témoin. Les gens auxquels on s'intéresse sont bien plus imaginatifs que nous et débordent de manières de décrire les relations qu'ils entretiennent de fait avec des non-humains, ce à quoi ça les confronte, ce à quoi ça fait travailler, comment ça fait travailler leur pensée, etc. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on gagne quand on parle d'être plutôt que de choses ? Qu'est-ce qu'on gagne quand on parle de présence, d'existant, de créature ? Quel décalage ça produit à chaque fois ? Donc là, c'est un point d'entrée méthodologique, si vous voulez. Il ne faut pas aller chercher des grandes argumentations philosophiques. Enfin, personnellement, j'ai traité ça de manière assez naïve, sans me poser la question de tout le bagage philosophique que traînait la notion même d'ontologie ou d'être, etc. C'est simplement, pour moi, sur le terrain, quand j'arrive, de tout à coup dire que... et grosso modo, ça revient à suivre les gens avec lesquels je suis en train de travailler, ce que je suis en train de suivre au travail, suivre les gens dans ce qu'ils élaborent, quand ils me décrivent leur mode de relation avec tel être, telle créature, etc., ça produit un décalage énorme par rapport à décrire une relation d'un être humain avec un objet. Donc, il s'agissait, c'était le propos du livre, il s'agissait évidemment pas de décrire la manière dont des acteurs sociaux capables d'anticipation conçoivent puis manipulent des objets, qui est le paradigme un peu... précédent, le paradigme qui hante d'une certaine façon la culture matérielle, le thème de la culture matérielle, mais il s'agissait davantage d'entrer dans nos affaires par les non-humains en adoptant leur point de vue. Alors là, ça peut faire bondir d'une certaine façon pour comprendre la manière dont ces non-humains jouent pour nous définir nous-mêmes. Et donc pour ça, il fallait considérer que les objets, loin d'être une matière inerte, toute disposée à l'asservissement, étaient en fait partie prenante des relations que nous entretenons avec eux ou que nous entretenons entre nous par leur intermédiaire. Donc parler des non-humains plutôt que des objets, par exemple, ou des dispositifs techniques, c'est considérer que objets, animaux, dispositifs techniques, etc., ont proprement leur mot à dire dans la relation et que rien n'est jamais joué d'avance. Et là, encore une fois, c'est les terrains qui le disent. Les études de cas le montrent. Lorsqu'un humain rencontre un non-humain, quel qu'il soit, il existe autant d'incertitudes, de doutes, d'indécisions, d'imprévisibilité, de négociations, de marge de manœuvre quant à l'issue de leur relation qu'entre deux humains, en fait. Et bien souvent, des catégories figées auxquelles on est habitué, ce qui se joue et qui reste à qualifier, ce qui se joue entre eux, fait précisément travailler d'un côté comme de l'autre les parties tenues pour essentielles, tant du côté des humains que du côté des non-humains. Donc les descriptions produisent bien souvent des effets de déstabilisation particulièrement intéressants du point de vue de l'ethnographie, parce que dans la relation entre un humain et un non-humain, ce sont les limites ontologiques, ce par quoi l'un et l'autre se définissent essentiellement qui sont en jeu. Voilà, et donc là l'idée de l'ouvrage... Qui était de montrer comment ces non-humains retravaillaient les métacatégories avec lesquelles les sociologues et les anthropologues étaient plus accoutumés à travailler, c'était de montrer que ça n'est pas tout à fait la même chose de s'intéresser au handicap, par exemple, comme fait social, et de saisir la manière dont le fauteuil roulant devient constitutif de la personne et de décrire les efforts d'ajustement des deux entités, humaines et non humaines, que sont la personne handicapée et le fauteuil. Là, c'est pareil, c'est le terrain qui le dit. Les personnes en fauteuil roulant élaborent à propos du dispositif dans lequel ils sont mis des modes relationnels qui vont bien plus loin, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne peuvent pas accréditer l'idée que simplement ils sont manipulateurs d'un objet. Il y a quelque chose d'autre qui se passe quand une personne passe une partie de sa vie accompagnée, hybridée d'un objet technique comme un fauteuil roulant. Ça n'est pas la même chose, je ne vais pas tous les refaire, mais juste pour redonner quelques exemples, ça n'est pas la même chose de traiter des nouvelles formes d'épidémie animale, de leur impact pour les sociétés humaines, etc., et de suivre les traces du virus, de la grippe aviaire, comme le fait Frédéric Keck, et Vanessa Manseron, Frédéric Keck sur ce terrain-là, en décrivant à chacune de ces étapes les formes que le virus adopte, ses formes d'expression et de réception. Donc là, c'est la même thématique, simplement l'entrée par le virus lui-même donne d'autres effets, produit d'autres effets, si vous voulez. Ça n'est pas la même chose d'étudier les situations économiques et de décrire le comportement du marché comme le marché étant un non-humain qui fait quelque chose, qui joue son propre rôle dans la relation, ou bien les effets en retour du supermarché, les rayonnages, etc., sur l'achat, l'acheteur et la marchandise. Ça n'est pas la même chose de décrire des systèmes politiques doués d'intentions, enfin les intentions situées dans des humains, on a des objectifs politiques, etc., et d'étudier la relation politique impliquée par un dispositif, comme les démos publics qu'étudiait Claude Rosenthal, ou bien par les statistiques. Et ça n'est pas du tout la même chose non plus de rendre compte des œuvres d'art en invoquant les intentions artistiques, qui sont toujours situées dans la tête de l'artiste, et de décrire les opérations microscopiques d'installation d'art, ce par quoi une œuvre devient une œuvre d'art, au cours desquelles l'œuvre se dessine tout autant que les fameuses intentions se redisent. Voilà, donc sur les êtres divins, les dieux, les esprits, le fait d'entrer par les non-humains permet d'éluder ou de prendre vraiment à nouveau frais la question de la croyance. Le travail d'Elisabeth Clavery en la matière, par exemple, est assez exemplaire dans la mesure où dans son travail, donc je ne sais pas si vous connaissez ce livre sur une anthropologie des apparitions, où elle parle de l'apparition de la Vierge je me rappelle plus où c'est, Medjugorje, je ne sais plus le dire. Son entrée est précisément d'emblée, si vous voulez, de dire que la Vierge a une ontologie, est présente, et que ce qui va l'intéresser, c'est de saisir les manières dont les gens en pèlerinage, en situation de pèlerinage, la rendent présente. Donc c'est très différent. C'est une posture qui est très différente avec celle qui consisterait à dire que les pèlerins croient en l'apparition de la Vierge, évidemment. En ce qui concerne les êtres de la nature, au premier chef les animaux, si on n'entre pas, ce que fait l'entrée par les non-humains en plus, si vous voulez, c'est de s'éloigner de concepts tels que celui de domestication ou d'anthropomorphisme, par exemple, par lesquels on a beaucoup décrit les relations entre l'homme et l'animal, en termes de domestication, en termes de contrôle, en termes d'anthropomorphisme, c'est-à-dire la capacité des gens, des individus, à attribuer, mais c'est de l'ordre de la croyance, des qualités humaines à des animaux, et donc on reste toujours dans ce déséquilibre, tandis que l'entrée par le non-humain produit son propre effet. Là, je citerai un exemple qui n'est pas dans le livre et qui était assez éloquent, si vous voulez, de mon point de vue, puisque il s'agit d'une anthropologue qui s'appelle Vanessa Manseron, qui est également au LESC maintenant, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Et Vanessa Manseron avait mené sa thèse, elle travaille depuis assez longtemps sur la question des zones humides en France et en Angleterre, et elle avait fait une thèse sur les marais dans la banlieue lyonnaise, et elle avait montré de manière assez classique la façon dont la gestion de l'eau des marais réorganisait, autour de cette gestion de l'eau, si vous voulez, se réorganisaient les statuts sociaux des gens vivant sur place. Et donc, au cours d'un séminaire, on a demandé à Vanessa, qui était tout sauf convaincue par les non-humains et par toute cette sociologie ou par cette anthropologie, de faire le test pour nous et d'entrer dans son terrain par l'eau, c'est-à-dire de prendre le non-humain et de refaire le travail, en fait, de se reposer les questions sans entrer par les catégories sociales, les hiérarchies, les hiérarchies à l'œuvre dans autour des marais, etc., mais par l'eau elle-même. L'eau, jusqu'alors pour elle, était un élément non problématique, c'est-à-dire qu'elle avait traité les marais sans jamais se préoccuper de savoir ce que l'eau faisait précisément dans cette histoire. Et donc là, on la forçait à entrer sur son terrain différemment. Et donc ce qu'elle a proposé, ce à quoi ça l'a conduit, si vous voulez, et je pense qu'elle en était la première surprise, c'est à ouvrir ce qu'était l'eau. Et du coup, cette ouverture, si vous voulez, l'a menée à considérer non plus l'eau comme une catégorie générique, un peu neutre, qui ne ferait rien à l'affaire, mais à considérer les multiples états de l'eau qui, tout à coup, montrent des humains confrontés à des situations très pratiques au cours desquelles vont s'élaborer, effectivement, autant des choses comme des relations sociales, etc., mais aussi un certain savoir sur ce qu'est l'eau, ce qu'on peut lui faire faire, ce qu'on peut lui faire dire, etc. Et donc la boîte, elle l'a réouvert, et ça l'a fait remonter au XVIIe et au XVIIIe siècle, où les marais, et ce qui constitue les marais, sont l'objet, en fait, d'épreuves, de qualifications extrêmement fortes pour comprendre de quoi relève ce qu'on observe, ce qu'on observait dans les marais. Et tout à coup, elle voit ces histoires de hiérarchie sociale, etc., compliquées, si vous voulez, par le travail des chimistes, le travail des hygiénistes, le travail des physiciens, qui, à une époque ou à une autre, ont montré que l'eau n'était pas une entité neutre et stable, de tout temps déjà là, etc., mais que l'eau, telle qu'elle l'avait vue participant des situations auxquelles elle avait été témoin au moment de sa thèse, avait procédé d'un travail de stabilisation qui n'avait rien d'évident, où il y avait eu des choix à faire, etc. Et donc, tout à coup, les différents états de l'eau, si vous voulez, venaient, encore une fois, enrichir le tableau. Ça se substituait pas aux relations sociales, par exemple. Simplement, ça venait compliquer l'affaire. Et en ce qui concerne les êtres de la technique, les objets, pour le dire vite, dans le paradigme classique, là, je grossis le trait, évidemment, la plupart des études sont beaucoup plus fines que ça, mais grosso modo, on a en vis-à-vis d'analyse sur la culture matérielle, par exemple, qui décrivait les situations en termes de fabrication, d'utilisation, de manipulation, de fonction des objets, de chaîne opératoire des objets. On a l'entrée par les non-humains, ce que ça fait faire, c'est de considérer des situations d'hybridation extrêmement forte, de négociation, d'échange de propriétés, comme le dit Latour, circonstanciel, où apparaissent très souvent des quasi-choses, des quasi-humains, des quasi-vivants, etc., où on ne sait plus trop comment le qualifier. Là, j'ai en tête un exemple aussi qui a été développé récemment, notamment par Emmanuel Grimaud, je ne fais pas exprès de prendre que des gens du LESC, mais voilà, c'est des amis, et je connais mieux leur travail. Emmanuel Grimaud, donc, est chercheur au LESC et qui a fait un travail sur les robots. Il s'est intéressé aux dieux. Il travaille sur l'Inde, en fait, au départ. Il s'est intéressé aux dieux et aux manifestations des dieux en Inde et la manière dont ils étaient incorporés de manière tout à fait éloquente, visible, dans la ville même, dans les villes même, dans les grandes villes, au moyen d'automates, et donc des automates. Et de la constitution des automates, c'est-à-dire c'est pas juste en termes de représentation, la place qu'ils occupent dans la ville, etc., mais il s'est intéressé à la manière, à qui construisaient les automates, dans quel cadre on les faisait, quelles étaient les techniques, etc., ce que ça, les théories du non-visible ou de la religion ou de la divinité dont on avait besoin pour construire un automate, le faire fonctionner, lui faire cligner des yeux, etc., etc. Et en suivant, il a fait un travail sur les robots, et notamment un robot au Japon qui est très connu pour être un robot anthropomorphe, qui a été conçu dans un laboratoire, donc, de robotique. Et le robot est à l'image de son concepteur. Donc c'est un cas d'anthropomorphisme extrêmement clair. Hein. On a le robot et puis on a le concepteur et on a le robot. Ils ont la même tête. Alors pour prendre juste deux mots sur cette question des robots. Les robots, on peut les appréhender suivant des théories de la manipulation, hein, c'est les premiers automates, etc. Comment est-ce qu'on fait faire un certain nombre de choses à une machine? Comment on l'autonomise? Quelle est la marge d'action qu'on lui donne? Et là, j'ai en tête la manière dont aussi dans des formes de théâtre traditionnel, tel le théâtre de Bunraku au Japon, vous savez, avec ces marionnettes qui sont manipulées par trois acteurs humains cagoulés qu'on n'est pas censé voir. On a des dispositifs qui sont en eux-mêmes très très complexes. On peut avoir aussi pour appréhender ce que c'est qu'un robot, la place qu'il occupe, etc., comment il a été conçu. On peut avoir aussi des théories de la substitution. Là, ça marche très fort aussi au Japon, puisque on a au Japon un univers extrêmement dense, extrêmement riche, habité par des créatures artificielles. Voilà. Et donc, on pourrait dire que ces robots-là souscrivent, si vous voulez, entrent dans le cadre de ces théories de la substitution, où ce robot en particulier simplement est conçu à l'aune de cette théorie culturaliste de la substitution. Cette capacité qu'auraient les Japonais à faire place au même titre qu'eux-mêmes à des êtres qui sont d'abord des objets, comme on pense aux chiens, aux chiens robots, on pense aussi à des choses en parenté fictive, le fait que par exemple lors d'un mariage japonais, si vous n'avez plus, si votre père ou votre mère est décédé et ne peut pas donc assister au mariage, vous pouvez louer les services de quelqu'un qui va jouer le rôle du père ou de la mère. Donc on est dans des cas comme ça, on pourrait mettre les robots dans ce même cas de figure. Et on a ce que fait Emmanuel Grimaud en compagnie de Zaven Paré, qui est marionnettiste lui-même, quand ils font ce terrain au Japon, dans le laboratoire de robotique. Ce qu'ils utilisent, c'est plutôt une théorie de la coprésence, c'est-à-dire essayer de décrire comment on peut être présent en même temps qu'un robot, comment on peut s'adresser à lui, quel est le nouveau mode sur lequel on peut s'adresser à lui, quel est le langage qu'il faut trouver, le dispositif qu'il faut créer pour parler à cet être-là et lui faire une place au même titre qu'à nous-mêmes. Et donc le livre qu'ils ont écrit, qui s'appelle, je crois, « Quand les robots mangeront des pommes », décrit la scène expérimentale qui est conçue par eux-mêmes pour prendre en compte ce qu'est, de manière très spécifique, un robot, et notamment ce robot-là, et entrer en communication avec lui. Donc, jusque-là, les êtres divins, les êtres de la technique, les êtres de la nature, etc., étaient finalement sagement rangés dans des catégories, et il existait pour chaque non-humain une manière de parler d'eux, soit en termes de manipulation, en termes de fabrication, en termes de fonction, en termes de croyance, etc., mais qui finalement laissaient toujours dans l'ombre les non-humains eux-mêmes, leurs propriétés et ce qu'ils font faire. Donc dans ces déclinaisons terminologiques, ce sont toujours finalement les humains qui gardent la main, en quelque sorte. Or, c'est évident dans les quelques cas que j'ai déjà donnés, et dans les cas qui sont développés dans le livre, les ethnographies témoignent de bien d'autres choses qui ne cadrent pas avec cette conception asymétrique des choses. Les humains conçoivent à leur endroit, donc à propos des êtres divins, à propos des êtres de la technique, à propos des êtres de la nature, etc., des théories très élaborées et très complexes. Et assigner ces théories au registre des représentations, c'est véritablement se priver du moyen de saisir ce qui effectivement se passe entre un humain et un non-humain. Donc on a des situations, à partir du moment où on considère le non-humain en tant que tel, comment il joue dans la situation, etc. On peut avoir des situations qui vont se décrire au profit des humains, par exemple beaucoup de descriptions, de situations, dans de, beaucoup de situations ethnographiques, mais des situations ordinaires, enfin de la vie courante. On croit que tel objet est automatique, c'est une boîte noire, on s'en saisit comme une boîte noire, etc. Et on se rend compte que l'humain est requis, entre dans la situation qu'on croyait close, etc. Ça, c'est l'objet typique. Vous achetez un nouvel appareil, vous recevez l'appareil et vous recevez la notice d'explication. L'appareil et la notice d'explication sont conçus comme une boîte noire qui doit vous donner accès à la fonction de l'appareil. Et on en a tous l'expérience. On négocie avec l'humain, avec le non-humain. On comprend pas la notice, on bidouille, on essaye des choses. Ça marche, ça marche pas, c'est pas stabilisé, etc. Il y a d'autres situations qui se font au profit des non-humains eux-mêmes, ou le balancement, si vous voulez, et au profit des non-humains eux-mêmes. Hier soir, j'étais hier à Toulouse, j'ai pris l'avion hier soir, et le personnel de bord a pris le micro un moment pour nous dire que, compte tenu des conditions atmosphériques, les conditions atmosphériques n'étaient pas favorables au retour sur Paris, et que donc l'avion allait décoller tout seul. Voilà. Bon, c'est des choses très classiques. On a tous, qu'est-ce qu'on fait avec ça, si vous voulez. Est-ce que c'est juste une expression? Est-ce que c'est juste une métaphore? Est-ce que c'est plus que ça? Puisque tout de suite après, le personnel de bord nous dit aussi qu'il faut éteindre. Et là, il était très sérieux. Pour une fois, il nous a expliqué pourquoi il fallait éteindre nos téléphones portables, nos ordinateurs, etc., etc. Parce que, pour le coup, comme l'avion décolle tout seul, nos appareils peuvent entrer en relation avec les systèmes de l'avion, interférer avec les systèmes de l'avion, etc. Donc tout de suite, on est dans une situation où, du point de vue de l'acteur social que je suis, j'entre dans un avion en ayant plus ou moins confiance, mais quand même confiance dans le fait que le dispositif dans lequel j'entre est un dispositif savamment construit par des humains, complètement contrôlé par des humains, etc. Et l'inconfort ou le rire que j'éprouve à ce moment-là vient du fait qu'on me met en situation dans une situation où l'appareil lui-même devient en totale autonomie et où les humains tout à coup sont mis en retrait. La plupart des situations ne souscrivent ni à l'une ni à l'autre, et en fait, celles qui sont les plus courantes, en fait, manifestent plutôt des situations d'ajustement, des ajustements réciproques. On s'ajuste au non-humain, il se passe des choses. Et là encore, vous m'excuserez, j'ai un exemple complètement trivial et issu de la vie quotidienne. J'ai le levier de vitesse de ma voiture m'a fait des siennes, si vous voulez, tout à coup, un peu du jour au lendemain et sans prévenir. On n'arrivait plus à passer de la première à la seconde avec vraiment des difficultés. Moi, je me suis tout de suite affolée en disant qu'il fallait aller voir un garagiste, système technique clos, que je prends comme clos. Moi, je ne sais rien des voitures, je ne sais rien des leviers de vitesse, je ne sais pas ce qui a été incorporé dans ce levier de vitesse. Et donc, mon seul recours, c'est de faire appel à quelqu'un qui sait traiter de ces non-humains-là. Il se trouve qu'on n'a pas pu aller mettre la voiture chez le garagiste cette semaine-là, qu'on n'avait pas les sous, c'était pas le moment, qu'on avait d'autres choses à faire, d'autres priorités, et que mon conjoint et moi-même avons mis, on a parlementé, et on s'est dit un petit peu comment est-ce qu'on pouvait prendre autrement le levier de vitesse de manière un peu plus subtile, que finalement la voiture réclamait, vous allez me prendre pour des bourrasques totales, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Finalement, le levier de vitesse requérait de nous un peu plus de souplesse, un petit peu plus de mollesse peut-être, d'attention. Et il se trouve que depuis, on n'a plus de problème de levier de vitesse, aussi bizarre que ça paraisse. Et donc, on manipule notre levier de vitesse de manière très différente. Ajustement, bon, c'est complètement basique, ajustement réciproque entre le non-humain et nous. Il y a évidemment les cas qui sont des cas d'ethnographie, les cas dont on va se saisir sont des cas qui veulent dire des choses plus, plus, qui, qui, qui ont un effet plus significatif. Et là, j'ai en tête le travail de Christelle Gramaglia, qui a écrit un chapitre dans ce livre, où elle s'intéresse aux organismes expérimentaux dont les humains se servent pour comme sentinelle pour savoir où en sont les rivières, c'est-à-dire pour attester ou non de la pollution des rivières. Il y a des micro-organismes expérimentaux qui servent aux biologistes à dire si la rivière est polluée ou non. Mais là, c'est pareil, c'est les gens eux-mêmes qui en parlent de manière beaucoup plus subtile que ça et n'en font pas juste des outils de l'expérimentation, mais élaborent. Par chance pour la sociologue elle-même, élabore sur ce non-humain-là une richesse, si vous voulez, qui où ils se décrivent eux-mêmes comme faisant faire un travail, comme devant trouver les bonnes conditions pour faire le travail aux sentinelles, le travail qu'ils ne peuvent pas faire par ailleurs de contrôle de pollution des rivières. Et donc les biologistes eux-mêmes se considèrent comme partenaires, considèrent ces sentinelles, ces organismes de recherche, ces organismes expérimentaux, comme de véritables partenaires de recherche dont il faut pouvoir, avec lesquels il faut pouvoir stabiliser la relation pour pouvoir compter sur eux et faire son travail, tout simplement. Voilà, donc pareil, ajustement dans la relation pour les scientifiques eux-mêmes, pour les biologistes eux-mêmes, ça change beaucoup à partir du moment où ils conçoivent leur, et c'est pas juste en termes de représentation, on est d'accord, c'est à des effets pratiques, où ils prennent leur organisme expérimental comme des partenaires de recherche dont il faut s'assurer de la stabilité. Je sais pas combien de temps... 5 minutes. Ah oui, bon, bah donc je voulais vous donner un exemple sur lequel j'ai travaillé récemment, mais bon, sur le... Voilà, je passe. L'autre, juste donc pour... L'autre pan, donc là j'ai passé beaucoup de temps pour essayer de montrer comment simplement, d'un point de vue heuristique et d'un point de vue méthodologique, considérer pour de vrai ce que font les non-humains dans les situations, change un peu la nature des descriptions, la nature de ce qu'on va regarder et les termes dans lesquels on va décrire. L'autre pan... qu'amène derrière lui les humains, non-humains, c'est les chantiers ontologiques que ça ouvre. Il y a des nouveaux terrains, des nouveaux objets qui portent essentiellement sur l'apparition de nouveaux êtres, de nouvelles entités dans le monde. Et là, c'est le terme de chantier, moi, c'est du point de vue de l'ontologie proprement dite, de la thématique de l'ontologie. C'est vraiment sur ces ce que j'appelle ces chantiers ontologiques que mon intérêt se porte, c'est-à-dire du point de vue de l'ethnographie. Je suis intéressée par les situations où les gens sont en travail avec des entités dont l'identité est encore flottante, dont le statut est complètement en pourparlers. En fait, on ne sait pas de quoi véritablement il s'agit, puisque c'est des êtres qui sont en train d'être constitués, en train d'être définis. Et donc là, ce qui paraît intéressant ou problématique, c'est la manière dont l'ontologie va être problématique, justement. C'est-à-dire s'intéresser à des êtres dont la particularité est d'avoir une ontologie problématique. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Ça ne rentre pas complètement dans la catégorie des objets. Ça ne rentre pas dans du vivant. On ne sait pas. On ne sait pas, et il y a des débats, il y a éventuellement des controverses sur la nature de ce à quoi on a affaire. Et donc, traiter d'êtres dont l'ontologie est en suspens et décrire les épreuves auxquelles on les soumet pour décider de leur sort, les instaurer au sens d'Étienne Sourillot, réédité par Latour Estengers, c'est un des objectifs qui anime le projet qu'on a depuis plusieurs années, qui porte, vous l'avez mentionné, sur ce qu'on a appelé les petits êtres et la question des changements d'échelle dans les pratiques de savoir. Donc juste, je finirai là-dessus, enfin, juste en deux mots, on pourra en reparler peut-être dans la discussion si ça vous intéresse, ce projet sur les petits êtres. Et là, c'est une des ouvertures, si vous voulez, le premier champ, donc je l'ai dit, c'est comment les non-humains permettent de redéfinir ce que c'est que la religion, ce que c'est que l'économie, etc. Et là, c'est le côté transversal qui nous intéressait. Dans ce projet sur les petits êtres, ce qui nous intéressait, c'était de saisir, de mettre en comparaison, en situation de comparaison ou de contiguïté, des êtres dont l'ontologie est en suspens et qui sont simplement comparables du fait de leur taille et qui peuvent être pris dans des sphères aussi différentes que ça peut être des objets, donc des objets qui peuplent l'univers technique, comme par exemple des objets ou des pixels, par exemple, c'est un mauvais exemple en termes d'objets, mais des pixels ou des nanoparticules ou des puces électroniques, voilà, des très petites choses. Et c'est des êtres aussi qui peuvent être issus de l'art ou d'autres champs, de l'économique, etc. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est pas de redéfinir sur la base de l'entrée par les non-humains les champs de ce que c'est que le politique, l'économique, etc. Mais c'est de saisir le non-humain lui-même et une de ses propriétés, une des formats d'objets, des formats d'êtres, si vous voulez, son échelle, à savoir sa petitesse, la difficulté qu'ont les humains qui travaillent avec eux, de les saisir, de les reconnaître, souvent de les voir. Ça nécessite des petits êtres auxquels on s'intéresse. Nécessite souvent des dispositifs très particuliers pour être saisi, pour être rendu visible, le microscope, etc. Voilà. Et donc, du coup, le fait de saisir, de construire un projet sur, en rentrant par un format d'être, sa petitesse, sa difficulté à saisir, qui va souvent de pair avec l'idée que les petits êtres prolifèrent, comme les virus, etc., permet, si vous voulez, de se balader dans des champs extrêmement divers et de comparer entre eux des procédés, des procédures mises en place par les acteurs eux-mêmes pour se saisir de cette échelle. Voilà. Et donc ce projet sur les petits êtres, pareil, fait une place évidemment à ce paradigme dans lequel on va considérer l'être de manière tout à fait méthodologique, hein, de manière heuristique, l'être plutôt que l'objet. Donc on va considérer par exemple le pixel comme un être. Ce qui arrête beaucoup intuitivement la pensée, parce qu'on parle d'être, ça va mieux quand on parle de choses vivantes, mais quand on se met à parler d'être pour un pixel, ça devient plus problématique. On en a bien conscience, et en même temps, les situations ethnographiques, encore une fois, font que quand on regarde quelqu'un pendant des heures ou des jours travailler à l'ordinateur, on est bien obligé de concéder aux facultés acquises par celui, le computer, comment on appelle ça, celui qui fait du... l'infographiste, je cherchais le terme en français. On est bien obligé de reconnaître dans l'infographiste une capacité, une compétence acquise à parler des pixels, qui sont les objets sur lesquels il travaille, d'une autre manière qu'en termes d'objets, par exemple. Donc l'idée, c'est de saisir les capacités d'action et de transformation, de mise en relation d'humains avec des non-humains qui ont tous la propriété d'être très petits. Et donc on s'intéresse également au passage à l'existence plutôt qu'au processus. Donc plutôt que de décrire la manière dont des gens dans des situations extrêmement variées qui peuvent être des laboratoires mais aussi des ateliers d'artistes, etc., ou des hôpitaux, etc., vont mettre en œuvre, donc toujours les humains qui auraient tout dans leurs mains, des processus pour s'assurer de la bonne gestion des objets sur lesquels ils travaillent. Ce qui nous intéresse, c'est comment, en cours de travail, en cours de relation, ces êtres-là parviennent à l'existence, passent à l'existence, ou au contraire, cessent d'avoir une existence. Voilà, bon, ben, j'entre pas plus dans les détails, j'avais beaucoup. Ouais, alors, en guise de conclusion, juste, parce que c'est une, pour, là, je, Comme je vous l'ai dit au début, en fait, cet ouvrage-là, si vous avez eu l'occasion de le regarder, n'est pas une théorie, hein, ne se donne pas à lire comme une théorie générale des humains et non humains. En tout cas, si théorie est faite, elle est faite au moyen des ethnographies et pas en termes d'idéalisation ou d'abstraction. Ce projet-là et les expériences que j'ai eues par la suite, notamment en développant le projet sur les petits êtres, nous a confrontés à un certain nombre de critiques et qui, comme j'abordais ça de manière très, très naïve, m'ont d'abord laissé un peu estomaqué d'une certaine façon. Et une des critiques qui nous était adressée et qui est adressée régulièrement à des projets comme celui-ci, à la tour, etc., c'est quid des humains. Alors si on commence à avoir une anthropologie du collisionneur de particules, une anthropologie des pixels, une anthropologie, pour ne citer que les cas sur lesquels je travaille, mais alors où sont les humains? On a même des gens... ont même pointé un manque d'éthique, en disant un manque d'humanisme même, en disant voilà, vous êtes plus intéressé par les objets que par les humains, alors que quand même c'est ça qui nous intéresse. Alors évidemment, pour moi, il va de soi que la question des non-humains et d'entrer dans un terrain, dans une problématique par le non-humain, ne s'opère jamais au détriment des humains. Déjà parce que nous, en tant qu'ethnographe, en tant que sociologue, en tant qu'anthropologue, n'avons pas accès, ou n'avons accès que d'une manière très particulière, aux non-humains. On n'y a accès que par les gens avec lesquels qu'on est en train de suivre au travail. D'accord ? Et c'est les épreuves de qualification que ces humains-là leur font passer aux non-humains, qu'on décrit, qu'on suit, etc. Et l'autre chose qui me paraît presque une évidence, c'est le fait que attribuer un plus d'existence à certains êtres ou à certaines créatures ne consiste pas à en prendre à d'autres. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on va s'intéresser aux non-humains ou qu'on va attribuer de manière, méthodologique, etc., un plus d'existence, un plus d'être à des choses aussi étranges que des pixels, etc., que tout à coup on a perdu la notion de la hiérarchie entre ce qu'était un homme et ce qu'était un pixel, ça ne se fait pas, encore une fois, au détriment des humains. On n'enlève rien aux humains quand on s'intéresse aux situations de création, par exemple en art, ou aux situations qu'on peut voir dans les laboratoires ou les hôpitaux. On n'enlève rien aux humains quand on commence à aussi regarder le frigidaire, le pixel, etc., etc. Autrement dit, concéder du plus à quelque chose ne revient pas à réduire à autre chose. Et quand on a eu la discussion avec Camille, je trouvais pas d'autres exemples plus éloquents que de dire c'est comme l'amour. Vos enfants, ils vous demandent mais tu m'aimes plus moi que le frère, que la sœur, etc. Voilà, les non-humains auraient cette propriété-là, comme l'amour, de pouvoir être distribué sans jamais on n'a pas à choisir entre l'un et l'autre. Donc ça n'est pas parce qu'on ontologise les pixels ou les nanoparticules qu'on ôte de l'ontologie aux humains ou aux animaux. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Merci Pierre-Laurent, merci Sophie pour votre exposé. J'ai juste j'ai trois blocs de remarques en fait à faire sur l'ensemble de l'ouvrage et sur votre exposé un peu plus particulièrement. Trois blocs qui concernent un peu plus directement la philosophie, en fait il faut quand même avouer les réquisites du projet, mais qui en même temps il me semble montre un certain nombre de lignes de fracture dans les démarches méthodologiques ou ethnographiques des auteurs qui sont mobilisés. Je crois que ça va jouer un peu sur les deux registres. Alors la première le premier objet qui me semble assez caractéristique de l'ouvrage et un peu important, c'est qu'il y a quand même ça concerne la théorie de l'action qui est impliqué dans la plupart des ethnographies qui sont mobilisées là, et je crois qu'on a grosso modo la mise en évidence de ce que plusieurs auteurs ont essayé de caractériser comme un paradigme non moderne, avec cette expression un petit peu bizarre, le paradigme non moderne de l'action, que je voudrais essayer juste de développer rapidement et pour avoir votre avis là-dessus. Donc je crois que ce qui fait la spécificité d'un certain nombre de démarches de l'ouvrage. Qui permet surtout, il me semble, de les distinguer de démarches qui ont l'air comme ça d'être un peu proches, mais qui en réalité ne le sont pas. Je crois qu'on peut le voir en suivant un article qui a été coécrit par Antoine Aignon et Émilie Gomard, un article qui s'appelle « Une sociologie de l'attachement » et qui permet de mettre en évidence le type de méthode ou de théorie de l'action qui est à l'œuvre dans ces histoires-là. Donc ce que montrent Gomard et Aignon dans cet article, c'est trois choses, et je crois que la conjonction de ces trois choses permet de spécifier un petit peu la démarche à l'heure. Donc il note premièrement, enfin première grande thèse de l'article, il note que depuis les années 70 ou 80, on assiste à une série de tentatives qui consistent à rééquilibrer les capacités d'action, ou pour le dire vite, à transférer des capacités d'action des acteurs humains vers l'environnement matériel. Et il cite notamment Chintz, hein, qui est considéré comme étant l'auteur un petit peu paradigmatique de ça, et de façon plus générale de ce qu'on va appeler cognition distribuée ou action distribuée, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout simple pour illustrer ça, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, et c'est une thèse qui est reprise par Gomard et Aignon, on pourrait pas dire, alors à ce moment-là, plutôt pour eux, on pourrait pas dire « je peux téléphoner à ma mère », le « je » ici, le sujet serait en excès, il faut plutôt distribuer cette capacité d'action, hein, téléphoner, entre le sujet humain et la machine technique, qui est évidemment ici dans ce cas-là bonne. Et on devrait plutôt dire que le collectif hybride, alors c'est comme ça qu'ils vont essayer de parler, moi plus le téléphone, c'est nous deux qui ensemble pouvons téléphoner. Et c'est pas moi, c'est pas un possible qui m'est propre. Donc du coup, au niveau philosophique, c'est intéressant pour nous, parce que ça signifie qu'au lieu de faire du possible téléphoner, donc de l'action possible téléphoner, une puissance du sujet humain, hein, j'entends puissance ici au sens assez général de capacité d'agir, hein, puissance de faire quelque chose, donc au lieu d'en faire une puissance du sujet humain, on en fait le lieu d'une synthèse entre la puissance du sujet et la puissance de l'objet. C'est bien une synthèse entre ces deux-là, et c'est ce type d'association qui, il me semble, caractérise la notion de collectif hybride qu'on retrouve en fait dans toute une série de textes qui théorisent ce point. Et qui considère en miroir la notion de société comme étant une notion un petit peu trop anthropocentrée, hein, puisqu'elle exclurait les non-humains, donc l'hybridité propre du modèle. Donc ça, il me semble que c'est un modèle assez général, ce premier point-là, c'est un modèle assez général qui est à l'œuvre dans le texte. Mais il me semble que ça se distingue d'un deuxième point, c'est le deuxième point qui est important dans le texte de Gomard et Aignon, c'est-à-dire qu'il montre en fait que toutes ces théories situées ou toutes ces théories distribuées, elles fonctionnent en réalité comme un rééquilibrage à somme nulle. C'est-à-dire que typiquement, on prend au sujet systématiquement pour redonner à l'objet. Et il me semble que c'est ce sur quoi vous avez insisté à la fin, sur le modèle de l'amour comme paradigmatique de votre ouvrage. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de... Enfin, il me semble que l'idée, c'est que méthodologiquement, il s'agit toujours de partir du possible, par exemple téléphoner, et de dire que non, ça n'est pas mon possible à moi en tant qu'individu humain, mais c'est un truc qu'on partage entre moi et l'autre, et donc on va mettre en évidence la notion de collectif. Et il me semble que du coup, dans ce modèle-là, il s'agit bien en fait d'enlever au sujet. Vous voyez, contrairement à ce que vous développez à la fin, il s'agit toujours d'enlever au sujet, donc c'est pas ce que vous faites, mais contrairement à toute une série de méthodes, il s'agit bien d'enlever au sujet, et il me semble que ce paradigme qu'ils appellent, eux, anti-moderne de l'action, hein, le modèle moderne étant le modèle où on accorderait beaucoup au sujet, le paradigme anti-moderne, c'est bien le paradigme qui enlève au sujet, et c'est assez corrélatif en philosophie d'une critique de la métaphysique de la subjectivité que nous on va avoir, qui est à enlever pas mal de prérogatives au sujet. Alors du coup ça m'amène à un troisième point qui est du coup la caractérisation par Aignon et Gomard de ce qui ferait la spécificité de votre modèle. C'est-à-dire que ce qui n'est pas pris en compte dans ce paradigme dit anti-modèle de l'action, hein, c'est l'événement, ce qui advient lorsqu'un humain et un non-humain entrent en collaboration et la transformation mutuelle qui est entraîné dans cette collaboration. Et je crois que c'est bien la spécificité d'un certain nombre de travaux qui sont proposés là, et qui sont en fait les grandes démarches et de Latour et de Descola dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que typiquement chez Latour, dans le texte sur Pasteur, on voit bien comment est-ce que Pasteur devient le grand savant qu'on connaît lorsque le ferment lactique devient la bactérie médicalement reconnue par l'institution. Pareil chez Descola, donc à la fin de son chapitre, on voit bien comment est-ce que le fin du texte, hein, le dernier chapitre s'appelle Histoire des structures de par la nature et culture, où il montre que on voit bien comment est-ce que le chasseur animiste devient un pasteur analogiste lorsque le bétail chassé devient un bétail qui est gardé. Bon. Donc il me semble que ce qui est caractéristique de votre modèle, c'est quand même une anti-téléologie, un caractère vraiment de critique de la téléologie, qui fait la différence avec les grandes ethnographies de Hutchins et compagnie qui sont beaucoup situées. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du possible et de rétroactivement dériver les acteurs de ce possible-là, vous suivez en fait les acteurs, et je crois que la notion de suivi elle est très importante dans toute une série de ces ethnographies, vous suivez les acteurs et les moments où leur possible sont en rupture, les événements qui modifient leur possible propre. Alors du coup, ma question sur cet ensemble de remarques un peu générales, c'est déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic ? Parce que vous suis passé totalement à côté de la question, et c'est pas du tout ça. Et est-ce que vous pensez que ça opère de la même manière sur tous les exemples que vous avez proposés ? C'est-à-dire que vous développez, vous, personnellement, un cas sur la mise en évidence d'un Umwelt. Vous pouvez peut-être en dire deux mots, un Umwelt spécifique du laboratoire. On a ça aussi, comme vous disiez tout à l'heure, d'Emmanuel Grimaud, et il y a un autre article d'Emmanuel Grimaud et Stéphane Renaisson sur les scarabées, où précisément essaie de mettre en évidence ce type de modification. Donc est-ce que selon vous, ça opère dans toutes les ethnographies, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de spécifique? Enfin, je m'arrête là, j'ai encore deux autres groupes de questions. Alors, en fait, mais si. Ce que ça évoque chez moi, c'est deux choses. D'abord, sur la question proprement dite, est-ce que ça opère sur tous les objets, etc. Je crois que ce qui est intéressant, en fait, dans cette entrée-là, et c'est pour ça que j'insiste sur le côté méthodologique, c'est que, en fait, ce qui nous intéresse moins. Je pense que ce qui nous intéresse moins. On est moins intéressé par le fait de décrire effectivement ce que fait un pixel ou ce que fait un scarabée ou ce que fait etc les objets, c'est-à-dire repeupler les sciences sociales, ça consiste pas à redéployer le champ des sujets sur lesquels on va pouvoir porter notre intérêt. Et tous les objets n'ont pas la même. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le fait que, une fois qu'on est entré dans les situations par les non-humains, qu'on accepte tout ça, ce qui est intéressant, c'est le fait que tous les non-humains n'appellent pas les mêmes questions. Et que, d'un point de vue méthodologique, ça oblige aussi à être attentif à ce que la situation qu'on est en train d'observer. À ce que cette situation-là appelle d'elle-même. Et donc, du coup, plutôt que d'en faire... Et je pense que on arrive à un point... ça, je pense qu'on n'a pas le recul, en fait. Mais il y a plusieurs fois, là, ces derniers temps, j'ai été dans des situations où, finalement, où je sentais assez fortement le fait qu'on arrivait aussi au terme d'une certaine histoire de ce paradigme-là. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début, c'était l'important... la tour et compagnie ont quand même ont été forts en termes de propositions, en termes de bifurcation terminologique, en termes de voilà, quand on dit que quand la tour parle d'échange de propriété entre les objets, etc. Il fallait ça parce que on était héritier dans les sciences humaines et sociales de quelque chose d'assez lourd dont il fallait se défaire, qui était par exemple la dichotomie entre sujet et objet, etc. Donc il y avait une espèce de radicalité qui faisait que on arrive à humain non humain comme une théorie générale qui permettrait d'appréhender l'ensemble des situations. Ce qui est plus intéressant et que c'est le deuxième temps, je pense qu'on est arrivé au bout de ça. C'est très lisible dans notamment un des dérivés de ce paradigme-là, celui de l'acteur réseau. L'ANT, comme on dit. Acteur Network Theory. L'ANT, en fait, et il y a maintenant des gens qui se disent ANT, académique ANT. C'est-à-dire, leur entrée n'est pas le non-humain, c'est l'acteur réseau. Et donc, quels que soient les objets sur lesquels ils vont porter leur attention, la théorie de l'acteur réseau va être plaquée, et on va pouvoir décrire toutes les situations. Ça, c'était nouveau il y a 30 ans, ça l'est plus du tout maintenant. On va pouvoir décrire toutes les situations en termes d'hybridité, de distribution, en termes de collectif, en termes de, etc., etc. Maintenant, ça, on l'a fait. ce qui a amorcé finalement d'une certaine façon, à mon sens, Latour dans son dernier livre sur les modes d'existence, c'est plus comment requalifier chacun des objets eux-mêmes, chacune des entités elles-mêmes. Et c'est aussi dans ce que propose la philosophie de Isabelle Stengers, par exemple, ou l'éthologue Vincien Després, qui dit comment les non-humains, on a pris en compte les non-humains, certes, d'accord, machin, ça s'hybride, ça s'ajuste, ça se négocie, ok, maintenant on sait tout ça, comment un non-humain en particulier appelle une question particulière. Et donc, effectivement, tous les objets n'opèrent pas pareil et n'appellent pas les mêmes questions, et il y en a certains qui sont plus éloquents que d'autres, etc. Donc ça c'est une première chose. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Le deuxième point que je voulais dire pour revenir sur cette histoire de enlever au sujet, c'est que d'une certaine façon, et ça c'est pareil, ça c'est une expérience, c'est l'expérience du terrain en fait vraiment. D'une certaine façon, entrer sur les terrains avec les problématiques qui sont les nôtres par les non-humains, c'est d'une certaine façon aussi émanciper les humains eux-mêmes de ce qui pesait sur leurs épaules, jusque-là de manière très forte, cette espèce de responsabilité pour lesquelles on venait les voir, responsabilité qui portait de manipuler, créer, faire fonctionner, etc., les objets, les entités, toutes les autres entités, de les tenir. C'est-à-dire, comme on a tout mis pendant très longtemps dans les mains seulement des humains, c'est quand même une sacrée charge. C'est-à-dire que même du point de vue de la relation ethnographique, on arrive et on demande aux gens, aux individus, de nous raconter leurs intentions, leurs croyances, ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont anticipé, etc. C'est extrêmement lourd, finalement. L'entrée par les non-humains, et ça, c'est vraiment d'expérience. C'est-à-dire qu'on vient voir les gens. Là, un des derniers terrains que j'ai fait, c'est donc sur le grand collisionneur de particules, le LHC, au CERN. C'est un objet très éloquent et qui permet de dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On s'attendait à ce que j'aille trouver, et je suis allée trouver les physiciens des particules, qui sont habitués aussi à se raconter, etc. Et finalement, je les ai sentis se faire un peu soulager. Quand ils ont compris que je venais pas leur demander de justifier d'une manière ou d'une autre, soit par les théories physiques, soit par des théories sociologiques ou politiques, ce que la machine a d'international, la cohabitation qu'elle permet, etc. Il y a tout un tas de théories qui permettent de faire exister cette machine-là d'une certaine façon. C'est pas ça que je leur demandais. Je leur demandais comment vous faites pour faire tenir cette machine-là. Donc c'est la machine elle-même qui m'intéressait. Je leur disais, je veux dire, du coup, qui sont les gens qui maintiennent cette machine-là, qui la font tourner, etc. Et donc là l'univers se déploie entièrement et les soulage un peu. C'est-à-dire que au lieu d'aller voir que des physiciens des particules, des théoriciens, on m'a dit tout de suite, en fait, il y a tout un tas de gens, en fait, il y a des centaines de personnes qui sont là juste pour s'occuper de la machine. Et c'est notamment un des exemples que je voulais donner, les opérateurs. Alors les opérateurs, c'est les gens qui sont dans une grande salle de contrôle avec des dizaines et des dizaines d'écrans d'ordinateur, et les physiciens théoriques que j'avais rencontrés m'avaient dit c'est là qu'on tourne le bouton, quoi. C'est là qu'on injecte les faisceaux de particules. Donc on m'avait dit c'est pas très intéressant, on tourne le bouton. Et donc moi je suis allée voir ces gens qui tournaient le bouton. Alors ils étaient très contents que j'aille les rencontrer eux. Et ce que j'ai compris en les suivant, c'est à quel point il y avait tourné un bouton et tourné un bouton, et à quel point l'opération qui consistait à tourner un bouton pouvait être subtile et jouer, et ça les physiciens théoriques n'en sont pas conscients, jouer sur toute la chaîne qui permet au final à cette machine-là de connecter, d'être un connecteur exceptionnel entre les particules et le cosmos. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails ici, mais tout à coup. Et les gens, pareil, les opérateurs, au début, m'ont vu arriver. Je pense qu'ils étaient un petit peu inquiets que je leur demande de mettre en œuvre, de mettre en scène une espèce de théorie physique par laquelle ils auraient dû m'expliquer le faisceau, les faisceaux, comment ils se collisionnent, etc. C'est pas du tout ça que je leur demandais. Je leur demandais juste comment ils faisaient pour appuyer sur les boutons, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur... Comment, voilà. Et simplement de suivre ça, tout à coup, effectivement, j'émancipais d'une certaine façon les gens que je rencontrais de cette énorme responsabilité d'avoir à justifier, d'avoir à expliciter les intentions, d'avoir à expliciter et simplement je leur demandais bah, en fait vous faites quoi? Et là, ça ouvre la porte à la description. Ah ben ça, d'accord, je peux te dire ce que je fais. Bon, d'accord. Si c'est vraiment ça qui t'intéresse, je vais t'expliquer ce que je fais là et là et là et là. Okay. Et donc ça n'enlève rien au sujet. Dans beaucoup de situations, ça remet beaucoup de choses dans les mains des sujets eux-mêmes, justement. Ouais. Et là, notamment pour en finir sur ce. Et là, ce que j'ai compris, c'est à quel point les opérateurs développaient des compétences très particulières et une sensibilité très vive sur qu'est-ce que c'est, comment tourne un proton, comment il aime être injecté, comment il aime tourner à côté d'autres protons, etc., etc. Ce que aucun physicien n'aurait été capable de me dire. Donc il y a un acquis de compétences aussi qui se fait dans le fait de tourner un bouton dans une salle d'opération. D'accord. Du coup, je ne veux pas non plus vous lier la parole. C'est moi qui réponds. Je vais supprimer une question et passer directement à la dernière. Je vais répondre par vous, pardon. Essayer de faire des questions un peu larges, une question un peu intégratrice. Quoi. C'est que il m'a semblé que dans l'ensemble du travail et surtout dans ce que vous avez présenté ici, donc qui est pas dans le texte mais qui m'a paru intéressant en plus, il y avait au moins trois types de questions, enfin trois types de modèles où la question ontologique qui nous intéressait ici se posait. C'était pas exactement les mêmes et peut-être un moyen de nous dialoguer tous ensemble là-dessus. Il y avait un premier modèle qui est surtout présent à la fin, qui est celui du réalisme méthodologique. C'est celui qui est un peu développé par Elisabeth Clavery, qui est beaucoup développé par Piette dans ce texte, qui consiste à dire, si je veux étudier le Dieu en question, il faut que je parte du principe qu'il est, parce que sinon ça fonctionne pas. Donc du coup, c'est bien au niveau méthodologique que la question de l'être va se poser, et donc c'est un moyen de détourner en fait de la question ontologique. Donc ça n'a pas grand-chose à voir, cette manière-là de traiter la question, de la manière dont dans le prologue de Latour ou dans le prologue d'Escola, question ontologique est posée. Là, ce sera un deuxième modèle où là on dit si en fait ça existe, donc c'est pas simplement méthodologiquement, mais on dit que ça existe. Simplement exister veut dire autre chose dans ce cas-là. Exister pour un dieu, c'est pas pareil qu'exister pour un humain. Mm-hmm. Donc en fait, là par contre, c'est vraiment proprement philosophique, c'est peut-être là où il y a deux manières un petit peu différentes. Et il m'a semblé que dans ce que vous disiez tout à l'heure, il y en avait une troisième en réalité, qui consiste à non pas poser des thèses ontologiques, mais se demander quand est-ce que la question ontologique émerge. Et il m'a semblé que c'était ça que vous développiez quand vous disiez, en fait, j'ai des objets avec un statut ontologique un peu problématique, des objets en fabrique, en procès, ou je ne sais plus quelle était votre expression. Et donc, c'est une autre façon un peu de poser la question. Et il me semble que c'est plus proche de ce que toi, Patrice Maniglier développe quand tu parles de l'émergence de la question ontologique par rapport à l'équivocité de l'objet. Donc il me semble qu'on a trois types de modèles ici qui sont un petit peu différents. Et est-ce que est-ce qu'on pourrait juste essayer de donner notre avis sur ces trois modèles? Est-ce que vous pensez qu'ils sont équivalents, aussi intéressants les uns que les autres, ou comment est-ce que vous situerez par rapport à tout ça? Une question un peu générale, donc un peu ouverte aussi, je voulais pas. Il y en a d'autres qui veulent répondre. je pense qu'il y a des oscillations. Je pense que vous avez pointé des modèles qui peuvent être différents, mais qui sont pas attachés aux gens dont vous avez voulu faire les représentants. C'est-à-dire, je pense que à l'intérieur de chacun, il y a des oscillations, et finalement des oscillations qui sont aussi fonction des objets eux-mêmes. En fait, j'en reviens à cette question que c'est les objets, les non-humains eux-mêmes qui appellent leur propre. C'est pas la même épreuve de parce que ça c'est pas la même épreuve. Ça n'oblige pas aux mêmes choses pour des gens qui travaillent sur des êtres de la religion d'avoir à dire à un moment donné ce Dieu est. Il a une présence, il existe, etc. C'est-à-dire les dieux ne font pas passer la même épreuve en termes ontologiques et en termes de position sur l'ontologie qu'un scarabée, par exemple, ou qu'un frigo, ou qu'un pixel, etc. Et donc je pense que les oscillations sont. Enfin, moi je pense que j'oscille beaucoup. que effectivement le fait de, mais c'est une facilité méthodologique aussi, dire qu'on va s'intéresser à des situations dans lesquelles la question ontologique émerge, ça veut dire que c'est facile puisque je remets dans les mains des acteurs eux-mêmes, pour le dire, l'assignation, la qualification ontologique. C'est-à-dire que moi, je sais pas plus qu'eux. Là, on arrive dans une situation où on est, j'ai pas à juger par moi-même de ce que c'est, puisque eux-mêmes n'en savent, ils sont en train de le qualifier. Donc moi, tout ce que je peux décrire, c'est ces épreuves de qualification là. C'est une facilité, mais chaque être va mettre le chercheur lui-même dans une situation où il va avoir à justifier effectivement de ce positionnement. Est-ce que moi je dirais c'est plutôt des oscillations quoi. Enfin, Latour a parlé beaucoup de multivers plutôt que d'univers, et donc il défend très fortement l'idée que effectivement les choses ont leur propre mode d'existence, ont leur propre faculté d'existence. Ça me paraît pas très éloigné de ce que font Piette et Clavery, sauf qu'ils héritaient d'une situation, si vous voulez, où quand même les anthropologues, c'est l'histoire de Jeanne Favre-Saada aussi, en fait, qui a été mise un peu sur le grill, puisque tout à coup elle a douté que ce dont elle était témoin n'était pas réductible à une situation dans laquelle eux croyaient et elle savait qu'eux croyaient. Et donc, on n'hérite pas des mêmes histoires suivant les noms humains auxquels on s'attache. Quoi. Et du coup, la question ontologique se pose avec ses propres termes à chaque fois, j'ai l'impression. Peut-être ouvrir la discussion maintenant, puis si jamais on part. Donc, si vous avez des questions. Ça calme. Pas de question. Tu poses ta question en plus. Non mais en fait c'est une grande remarque aussi longue que la première, donc du coup je vais pas. Ça nous amène jusqu'à 6h si jamais, jusqu'à 7h si jamais je continue. Bon moi je peux poser une question si vous voulez, j'en ai pas. Alors il y a beaucoup de choses, mais c'est peut-être plutôt une sorte de curiosité en fait. Justement, parce que vous avez beaucoup insisté sur. Vous nous avez au fond pas mal invité, je dirais, à calmer les ardeurs philosophiques autour de ces questions, un petit peu. Enfin, moi j'entendais, peut-être parce que dans la position où je me trouve, la position de l'ardeur philosophique, j'entendais effectivement, à quoi ça sert du point de vue de la redescription, etc. Alors, c'est frappant parce que, évidemment, pour nous, puis je crois que le séminaire en témoigne, en fait, toute cette question des noms humains est une incroyable matrice de réactivation des questions ontologiques qui passe, je crois, en fait, au fond, par la question de redonner l'initiative à des êtres à qui on ne donnait pas l'initiative, ce qui est curieux, parce que fondamentalement, c'est la notion d'action, en fait, ou de sujet, d'ailleurs. Mais la curiosité, en gros, elle est très simple, c'est est-ce que le travail de rebondissement philosophique, que tout ce travail psychologique produit, est-ce qu'il a un intérêt du point de vue empirique aussi? Comment est-ce qu'il pourrait en avoir un? Comment est-ce que les philosophes pourraient se servir, tout simplement, du travail que font les philosophes pour essayer d'élaborer ou de mieux comprendre le renouvellement philosophique, en fait, ce type de travail suscite, notamment parce que, justement, il déplace la frontière entre le sujet et l'objet, l'humain et le non-humain, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose, là, qui, comme une collaboration? Enfin, c'est vraiment une question... Je pense que c'est alors là c'est j'ai bien aimé vous dites calmer les ardeurs philosophiques, mais ça doit pas masquer le fait que c'était juste, parce que j'aborde avec beaucoup de prudence, c'est parce que je connais pas bien en fait, hein, donc Donc il s'agissait moins de prêcher pour ma paroisse que de dire qu'on pouvait le faire, en tout cas qu'on pouvait le faire. C'est-à-dire que sans s'être plongé jusqu'au cou dans la philosophie de l'être, sur les questions d'ontologie, etc., il y a déjà des choses qui opèrent d'un point de vue méthodologique. Après, je pense que c'est... je ne vais pas me faire plus naïf que je suis. Ouais. Par exemple, qu'est-ce qui sur un terrain devient une question, parce que une fois qu'on a admis que les non-humains étaient des sortes d'agents, est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin que cette opération qui est une opération métaphysique en effet, mais une fois qu'on a fait cette opération, est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Ou est-ce qu'on, pour encore une fois, faire tous les déplacements dont vous avez parlé, qui sont invraisemblablement riches, ramifiés, etc., mais est-ce qu'on a besoin de plus de métaphysique que ça, finalement? Je ne suis pas certaine. Pour faire quoi? Pour faire le travail, quoi. Pour nous, je ne suis pas certaine. Plus de métaphysique que ça. Il y a un autre intervenant qui est quand même les gens avec lesquels on fait notre traitement. Oui, c'est ça. Et c'est l'appréhension de leur point de vue qui est quand même notre objectif final. Donc, la manière dont eux-mêmes vont se positionner vis-à-vis de l'agentivité, des objets, des sujets, des choses comme ça, et c'est peut-être ça. Oui, oui. C'est après ça qu'on court. Oui, oui, je sais. On ne pose pas des questions dans l'absolu comme ça, une fois qu'on a décrété qu'on pouvait aborder les choses par le biais de l'instrument ou par autrement. Le travail reste à faire. Je veux dire, l'agenda des ethnologues qui reste entier. Enfin, oui. Non, mais j'ai bien compris. La question, c'est de combien d'opérations métaphysiques avez-vous besoin pour faire votre travail? Vous en avez besoin de quelques-unes, manifestement. La tour, on a réalisé quelques-unes. De combien en avez-vous besoin? Avez-vous besoin de plus? Ou c'est fini? C'est-à-dire, l'enjeu ontologique, après nous, ça nous intéresse en tant que philosophe. Ça nous intéresse, c'est notre boulot. Nous, ça nous excite, on fait notre travail, etc. De notre côté, mais vous, au fond, ça ne vous intéresserait plus du tout. Parce qu'au fond, ce qui vous intéressait, c'était de désenclaver comme ça, ou de faire sauter ce grand partage du sujet et de l'objet, une fois que c'est fait. Non, je pensais juste que les catégories métaphysiques pouvaient être utiles dans un second temps, une fois qu'on a fait tout ce bon partage, parce que les philosophes peuvent amener aux ethnologues, pour mieux appréhender ce qu'on peut appeler la métaphysique des autres. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les autres vont nous dire des choses qui vont rester encore incompréhensibles, même quand on a fait sauter le grand partage, possiblement. Enfin, ils vont distribuer, ils vont découper, on veut découper les propriétés et des substances, ils vont mettre des sujets là où on n'en mettait pas. Et c'est à ce moment-là où certaines conceptions métaphysiques pourraient nous permettre de voir des choses qu'on aurait ratées sinon. C'est-à-dire que les philosophes nous auraient amenés à des découpages spéculatifs du monde qui vont peut-être pouvoir être utilisés par les ethnologues pour pouvoir voir des choses qui n'auraient peut-être pas vues sinon. Mais là, on sort de la question humain-non-humain. Voilà. C'est pas propre au non-humain. N'importe quelle entreprise ethnographique qui touche effectivement à des catégories fondamentales, à des catégories que nous appelons ontologiques d'ailleurs. C'est peut-être pas en fait, peut-être c'est des catégories en fait culinaires, comme finalement l'histoire le suggérait. C'est pas propre à la question des non-humains. Vous voyez ce que je veux dire? La question des non-humains, ça a vraiment été un choc métaphysique. Mais effectivement, après la métaphysique des autres, c'est toute une question vaste, etc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de propre à cette problématique, disons, de l'entrée par les non-humains, au-delà de. Ok, on peut accorder la subjectivité à des entités non humaines. L'activité ou l'agentivité. Oui, c'est ça. Jusqu'où vous voudrez aller. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez besoin de beaucoup de précision? Par exemple, il y a un camarade Didier Debèze qui travaille sur un livre sur la question du sujet, à partir de Whitehead, etc. Et donc lui, effectivement, c'est la catégorie qui l'intéresse, c'est la catégorie non pas d'agent, mais de sujet. Bon, donc il veut attribuer le sujet, la subjectivité au non humain. Est-ce que, par exemple, ce type de d'approche pourrait intéresser des ethnographes? Et ce n'est pas du tout une question syndicale, c'est vraiment une question intellectuelle. Et je pense que, on lit, on a... Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai recours j'ai du mal à savoir à quel moment j'ai recours. Et comment, c'est-à-dire à quel moment ça opère. Comme le disait Philippe, c'est aussi... Du point de vue de l'ethnographie, je sais pas où ça se situe. C'est-à-dire qu'en même temps, dans la situation ethnographique même, on peut arriver avec tout le bagage qu'on veut. Je crois que la compétence ethnographique, elle réside d'abord dans le fait d'être à l'écoute de ce qui est en train de se passer, en train de se dire. Et donc, si on arrive avec des catégories qui sont des catégories fermées, ou des catégories trop closes sur elles-mêmes, on se laisse pas travailler. Enfin, ça, j'ai l'impression que c'est un peu le béaba de l'ethnographe, c'est de se laisser travailler par la situation. Et donc, c'est ça que sert la métaphysique. Hein. Ouais. La métaphysique sert à ne pas avoir des catégories fermées. Là, en l'occurrence, c'est ce dont on parle. Ouais, c'est-à-dire que quand on explique que oui, bien sûr, il peut y avoir des non-humains qui sont des sujets, le but du jeu, c'est de rouvrir les catégories. C'est ce qu'a fait Latour. C'est justement la métaphysique qui lui a permis d'ouvrir l'écoute, d'ouvrir l'oreille, en fait, justement. Dire, écoutez, d'ailleurs, il y a des choses à écouter. Même encore d'aller plus loin. Il y a des choses à écouter là où vous croyez qu'il n'y a rien à écouter. Ouais. C'est mieux. Mais c'est pour ça que j'insistais aussi sur le fait qu'on n'arrive pas au même moment dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas en se posant les mêmes questions. C'est-à-dire que lui, vraiment, vient... Et une fois que la catégorie des non-humains était ouverte, là, le travail redevient proprement infini. Et déjà, en soi, c'est... et là, je dirais, on n'a pas besoin de tellement plus. Mais du coup, moi, juste une question par rapport à ça. Est-ce que... alors, parce que je ne sais pas, au niveau de la somme des ethnographies qui sont possibles, est-ce que la question que pose Patrice, elle se pose de la même manière dans tous les cas? J'ai l'impression que, si je caricature à l'extrême, on a des ethnographies qui vont essayer de décrire un cas empirique, donc la manière dont tel individu agencé à tel contexte... Donc on va à ce moment-là devoir faire intervenir la catégorie d'actants ou de non-humains dans toute une série de cas, mais parce qu'on décrit objectivement ce qui se passe. Et il y a quand même un autre cas, je ne sais pas comment est-ce qu'en ethnologie est-ce qu'on traite ça, mais qui ne semble pas être exactement superposable, qui est d'écrire les catégories qui sont utilisées par les individus dont on parle pour décrire leur rapport au monde. C'est pas exactement le même rapport. C'est ça que disait Philippe Erickson tout à l'heure. C'est très mêlé. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé, quand vous arrivez quelque part, ce que fait l'entrée par les non-humains, c'est de vous rendre attentif au rôle occupé dans une situation qu'on aurait pu être tenté de décrire que en termes de relations sociales, que en termes de représentation, en termes de symbolisme, en termes de rituel, etc. Et là, du coup, les non-humains, c'est de rendre attentif à la présence de ça et de se laisser l'opportunité de les décrire autrement que sous ce mode asymétrique-là. Et du coup, la description, simplement, n'est pas la même. Puisque on ne remet jamais entièrement dans les mains des acteurs eux-mêmes l'entière explication de ce qu'on voit. Mais ça peut valoir pour toutes les circonstances. C'est pour ça que c'est pas associé que à des ce qu'on appelle c'est ce qui ne veut pas dire grand-chose des nouveaux objets de l'anthropologie par exemple. Quelqu'un qui travaille sur le rituel tel rituel Caterina Cateresi, qui travaille sur les rituels du Palo Monte, a une approche tout à fait de ce type-là, où elle va considérer tout ce qui est constitutif du chaudron à partir duquel qui est le au centre du rituel, et va prendre en compte ce... Donc elle n'en parle pas en termes de représentation. Ouais, je vois, en fait. Mais du coup, comment décrire la distinction. Je vois bien, d'un côté, ce type d'approche, et de l'autre côté, je pense même au travail de Baptiste, sur la manière dont on va décrire la cosmologie du peuple qu'on étudie, c'est-à-dire la manière dont ils appréhendent telle ou telle donnée. Et du coup, la façon dont nos concepts à nous rentrent un petit peu en contradiction avec ça, et ça me semble être pas exactement la même manière que de décrire la manière dont un objet force à reconfigurer, disons, objectivement une situation. Vous voyez ce que je veux dire? Il me semble que la métaphysique, elle n'a pas le même rôle dans les deux cas. Et il me semble que dans le cas que vous décrivez tout à l'heure, bah, c'est grosso modo le modèle perspectiviste qu'on voit. C'est-à-dire la manière dont les catégories, disons, indigènes entrent un petit peu en contradiction avec nos catégories à nous. Mais c'est pas exactement pareil que de décrire objectivement la manière dont mon téléphone portable me force à me reconfigurer moi dans la situation. Mmh. J'ai l'impression qu'on a grosso modo le modèle, alors, je sais pas, modèle Latour d'un côté, le modèle Viveros de l'autre, pour faire des grandes lignes. Et je sais pas si ta question, tu vois, Patrice, a vaut de la même manière dans ces deux modèles-là. C'est la deuxième question. Deuxième question, ouais, pardon. Je suis d'accord. Et effectivement, il y a une ambiguïté, je trouve, en effet, sur son travail. Au fond, on dit qu'on travaille pas sur les représentations, mais assez souvent, en fait, en réalité, on travaille sur des catégories, pour les appeler comme ça. C'est-à-dire qu'il structure, des choses qui structurent les représentations. Et effectivement, on dit, bon, bah, enfin, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire, on travaille sur la manière dont, en effet, un certain type de non-humain, en fait, prennent l'initiative dans des processus combinés. Ou on travaille, en effet, en réalité, sur les catégories. Donc, en effet, les métaphysiques, par exemple. Et c'est vrai que ces deux choses se mêlent. C'est d'ailleurs pas forcément un mal, hein, mais ce sont deux choses un peu différentes. J'avais une autre question sur la question des non-entités, c'est-à-dire à partir du moment où il y en a beaucoup, les entités. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème de ce que vous avez dit, enfin, le travail que vous êtes en train de faire sur les petits êtres, justement. Enfin, vous avez suggéré, justement, bon, qu'on travaille sur les moments, enfin, cette formation, quoi, ces processus liminaires d'instauration véritablement des êtres. Et je me demandais alors quels étaient au fond un petit peu, bon, vous ne pourrez pas répondre à cette question, mais est-ce qu'il n'y a pas des critères sur l'entité? Qu'est-ce qui fait qu'une entité est une entité, déjà? Pas simplement. Et pour ça, il faudrait avoir un contraire d'entité, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas des entités, en fait. Et est-ce qu'un ethnographe rencontre des choses qui ne sont pas des entités? Des non-entités, c'est-à-dire des choses non existantes, justement. Parce que moi, en vous écoutant, je pensais à moi, quelqu'un qui ferait une ethnographie de mon travail philosophique. Et donc, en fait, que moi, je travaille, par exemple, sur des systèmes, je sais pas, ou des concepts, ou tout ça pourrait très bien fonctionner comme une entité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une entité? C'est le degré d'attention que je lui porte, c'est le crédit que je lui accorde, justement, comme un être, en fait, dont je dois attendre les réactions. Intuitivement, est-ce que... L'exemple qui me vient en tête, c'est le travail de Brice Laurent sur les nanoparticules. Et là, vous allez me dire que du coup, je remets dans les mains des gens eux-mêmes la capacité de distinguer ce qui est une entité et ce qui n'est pas une entité. Les nanoparticules d'argent, il était venu nous parler de la manière dont, tant d'un point de vue, du point de vue de la physique et de la chimie, que du point de vue légal, l'identification de ce que c'est qu'une nanoparticule d'argent pose des problèmes qui n'ont pas encore été résolus, je crois. Donc, une entité est proposée à l'existence par un certain nombre d'acteurs. Proposée à l'existence, ça veut dire qu'on lui a fait soumettre, on l'a soumise à un certain nombre de tests. Et au terme de ces tests, les acteurs disent... Les propriétés de cette entité-là sont suffisamment distinctes de telle autre pour considérer qu'on a deux entités et qu'on n'en a pas qu'une seule, ou qu'on a un truc qui n'existe pas. Parce qu'à un moment donné, dans la controverse, dans le débat, il y a des gens qui disent « ça n'existe pas ». En fait, ce qu'on a, c'est autre chose. Et donc ça intéresse, mais c'est une prise, là, pour l'ethnographe, c'est une prise très concrète. Il n'a pas à se poser la question, lui, de savoir s'il est en face d'une entité ou d'une non-entité. C'est-à-dire que les acteurs sont en train de faire ce travail-là précisément. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je vois pas, c'est-à-dire que j'aurais à vous ethnographier, c'est à peu près, à mon avis, aussi difficile que d'ethnographier, mais ça pose, c'est hyper intéressant, c'est à peu près aussi difficile que d'ethnographier des gens qui travaillent à l'ordinateur toute la journée, par exemple. Oui, quand vous parlez de pixels, évidemment, voilà, on voit bien à quelles conditions un pixel devient une entité. Et... Je pense pas que ce soit très différent du travail que peuvent faire... en studio, des architectes en train de travailler sur un projet qu'ils ont conçu. La subtilité de la chose est que les gens ne se disent pas forcément qu'ils vont faire des entités. Je veux dire, probablement les infographistes ne se disent pas que... Si vous leur posez la question, est-ce que... Bah, je ne leur pose pas la question, justement. Voilà. Je regarde ce qu'ils font. Ils vous diraient probablement, mais non. Oui, sauf que c'est là que le travail de l'ethnologue et de l'ethnographe intervient, si vous voulez. C'est de déployer toutes les situations dans lesquelles on va parler de pixels dans un environnement comme celui-là, et de comprendre très vite que le pixel n'est pas juste une entité de représentation qui sert dans l'univers virtuel. C'est pas du tout les gens s'en servent pas du tout comme d'une unité virtuelle, par exemple. Ils en parlent pas. Ça n'a... Est-ce qu'on pourrait, du coup, donner un exemple d'objet virtuel qui serait justement... Non, là, c'était plus de dire que y a eu, sur le virtuel, il y a eu la manière dont on a abordé le numérique, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé pendant longtemps, sur lequel il y a énormément de travail à faire. Le numérique a été appréhendé par, notamment, des philosophes, comme des entités virtuelles ayant besoin de s'actualiser. C'est la non-matière, c'est la dématérialisation du monde, la délocalisation du monde, etc., etc., dans la philosophie postmoderne, à la Lyotard, etc. Bon, ça, c'est de la philosophie. Maintenant, là, comme la tour, là, comme les ethnologues, enfin, voilà, je suis ethnologue, on me dit, oh, d'accord, j'ai lu tout ça sur la dématérialisation, délocalisation, ok, je vais voir. Je passe des journées à regarder des gens qui sont en train de travailler à l'ordinateur avec donc de la matière numérique. Et très vite, justement, ce que je vois, ce que j'observe, c'est des gens qui travaillent avec de la matière. Et ils en parlent comme de choses qui est matérielle. C'est des entités. C'est des entités qui posent des problèmes. C'est des entités qui peuvent d'un coup s'autonomiser et sortir du cadre qu'on a conçu pour elles. C'est l'exemple que, pour moi, qui avait complètement fait tilt, si vous voulez, c'est le jour où quelqu'un m'avait parlé des pixels morts. Bah, pixels morts, on se dit c'est marrant ça. Et alors, bon, on se dit c'est une image, le pixel n'est pas vraiment mort, bon, il y a on, off, 0, 1, enfin bon, voilà, on est dans cette. Sauf que si vous tapez pixel mort sur un moteur de recherche, vous allez trouver des procédures pour réanimer votre pixel. Et ces procédures de réanimation sont physiques. C'est-à-dire que vous pouvez masser votre écran d'ordinateur avec le bout de votre doigt et que vous avez une chance de réanimer votre pixel mort. Donc c'est soit, je veux dire, voilà, mais ça signifie quelque chose. Ça veut dire que les gens qui travaillent dans le numérique ne travaillent pas dans le virtuel. Ils ne travaillent pas sur de la non-matière. Ils ne travaillent pas sur des choses qui n'existent pas, enfin qui n'ont pas d'existence réelle. Ils travaillent sur des matériaux qui continuent perpétuellement. Alors créer c'est un système, c'est de la contrainte, c'est un truc qu'il faut apprendre. C'est comme mes opérateurs, les opérateurs du LHC avec les protons. On les voit pas, de toute façon ils n'y ont pas accès, c'est 100 mètres sous terre, ça tourne à la vitesse de la lumière, etc. Sauf que dans leur travail, ce à quoi ils ont affaire, c'est quelque chose qui est extrêmement matériel, qui a des propriétés qu'ils découvrent par leur travail, par leur interaction avec le non-humain en question. Mais, je veux pas du tout, mais justement, c'est ça la question, c'est-à-dire, quand on dit ça, alors évidemment, on a besoin de dire ça, parce qu'il faut renforcer, parce qu'il y a toute cette littérature, dans tous les domaines où, effectivement, on vide de leur substance ontologique, ouais, ouais, en fait, pratique, réelle, ouais, des êtres, voilà, qui sont là. Mais une fois qu'on a fait ça, le problème, c'est qu'on le fait peut-être un petit peu trop, et qu'on a envie de poser la question, mais alors d'accord, mais quid de la fonction? Parce que les agents, ils disent aussi, ceci n'existe pas. En fait, ils font des distinctions entre leur pixel et leur bouteille de coca à côté, etc. Ils ont un grain de finesse. Et des fois, par exemple, quand on lit effectivement ce que dit Latour sur les fictions, c'est extrêmement séduisant. On allait dire, mais quid de l'imaginaire pour une telle ethnographie? Comment parler, il faut vraiment faire une ethnographie des êtres imaginaires, sans dire, oh ben c'est des êtres réels, mais justement en disant, pourquoi les gens ont besoin ça de l'imaginaire? Ça, c'est hyper intéressant. Mais justement, moi, je trouve que s'intéresser, moi je m'intéresse beaucoup à la comment est-ce qu'on produit des connaissances, comment est-ce qu'on sait des choses sur le monde. Et je trouve que, alors les physiciens, il y a un certain degré d'abstraction aussi, etc., mais de travailler sur des philosophes, par exemple, ou des mathématiciens, du point de vue de l'ethnographie, ouvrirait certainement des portes, justement pour traiter de ces questions-là. Parce que là, j'ai rencontré une mathématicienne dernièrement, on parlait des trois dimensions, quatre dimensions, qui disait, mais nous les mathématiciens, Et alors là, moi, je suis tombée des nues, qui disaient, nous, les mathématiciens, on voit dans notre tête des choses, on est capable de se figurer des choses à 12 dimensions. Et quand on s'en parle entre nous, c'est rien à voir avec des formules mathématiques qu'on écrit au tableau, ce dont on a tous le modèle en tête, mais on s'en parle en termes de couleurs, de sons, donc ils ont recours à des choses pour lesquelles ils ne sont pas formés, c'est-à-dire ils ont pas appris à faire ça, ils l'ont appris, et donc de là, c'est un terrain, quoi. C'est un terrain. Comment un mathématicien est capable de voir 12 dimensions et d'en parler aux autres, c'est-à-dire de pouvoir... Mais ça, je ne doute pas que même que l'ethnographie peut faire ça aussi. On va arrêter là. Il est 19h. On arrêtera sur cette belle conclusion pour vos questions. Merci beaucoup.